Ce panneau annonce une circulation à sens unique? Oui, réponse A. Non, réponse B. Un rétrécissement de la chaussée? Oui, réponse C. Non, réponse D.